بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته. Donc lorsque sa mère est morte, c'est Umm Ayman qui s'est occupée de lui et c'est sa maulat, c'est-à-dire son esclave affranchi, ورثها من أبيه, qu'il avait hérité de son père. وكفله جده عبد المطلب, et son grand-père عبد المطلب s'est occupé de lui. Et عبد المطلب, il est mort mécréant. Ibn Kathir dit ensuite: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده وأوصى به إلى عمه أبي طالب. Donc lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a atteint 8 ans, donc sa mère est morte lorsqu'il avait à peu près 6 ans, et après Abdul Muttalib, son grand-père, s'est occupé de lui jusqu'à 8 ans. Donc 2 ans, il l'a confié à son oncle Abu Talib. Donc Abu Talib, le fils d'Abdul Muttalib. لأنه كان شقيق عبد الله فكفله. Car c'était le frère de Abdullah, c'est-à-dire le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le frère de père et de mère. وحاطه أتم حياطة. Il s'est occupé de lui de la meilleure façon. ونصره حين بعثه الله أعز نصر. Et il l'a secouru lorsque Allah l'a envoyé comme prophète et messager de la plus forte des façons. مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات. Malgré le fait qu'il persistait dans son association et sa mécréance jusqu'à ce qu'il meure. Et la preuve que Abu Talib est mort mushrik et en enfer, est ce que rapporte Musayyib ibn Hazm, le père de Saïd ibn Musayyib, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Abu Talib était proche de la mort, il est venu et il y avait auprès de lui Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé à dire la ilaha illallah, et Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya lui rappelaient de suivre, de ne pas délaisser la religion de son père, Abdul Muttalib, jusqu'à ce qu'il meure sur cette situation, et a refusé de dire la ilaha illallah, et la dernière chose qu'il a dite est qu'il est sur la religion d'Abdul Muttalib. Et ça, comme dit An-Nawawi, c'est une bonne chose à faire lorsque on cite une mauvaise parole, de dire avec le pronom à la troisième personne, au pronom de l'absent. Al-Ghaib, le sahabi a dit: Attakana akhir ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib. Jusqu'à ce qu'il leur dise à la fin qu'il est sur la religion d'Abdul Muttalib. Et c'est mieux de dire ça que de dire qu'il a dit je suis, etc. Non. Et également donc le hadith muttafaqun alayh, dans les deux sahihs également, d'après l'Abbas, qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, ma ghnayta an ammik. فإنه كان يحوطك ويغضب لك. Il a dit: au message d'Allah, en quoi as-tu profité à ton oncle? Car il prenait soin de toi et s'énervait pour toi. Donc Abu Talib, il a dit sallallahu alayhi wa sallam: هو في تحداحي من النار ولو لا أنا لكان في الدرك الأسفلي من النار. Il est dans le haut de l'enfer, et si ce n'était pas moi, il serait au plus profond de l'enfer. Également dans les deux sahihs, d'après Abu Sa'id al-Khudri, que on a mentionné Abu Talib au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit: لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ. Donc il a dit: il se peut, j'espère que mon intercession lui profitera le jour de la résurrection, et il sera mis en haut de l'enfer, et ça atteindra ses chevilles, en faisant bouillir son cerveau. Allah al-Musta'an. Et ça, c'est le moins grand péché, le moins grand châtiment de l'enfer. Et cette intercession, cette chefara du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle Abu Talib, qui est mouchrik, elle est spécifique à lui, car sinon il n'y a pas d'intercession pour le mécréant. Et en même temps, cette intercession ne le fait pas sortir de l'enfer. Allah musta'an, sallallahu al-afiyah. فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك. Donc Allah Azza wa Jal lui a allégé son châtiment, comme est venu le hadith authentique, donc le hadith qu'on a cité précédemment. وخرج بعمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة. Donc son oncle est parti avec lui au Cham pour du commerce alors qu'il avait 12 ans. وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة. Et ceci montre sa grande douceur envers lui, du fait que il n'y avait personne à qui le laisser à Mecca. Donc il l'a pris avec lui. فرآه هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه. Donc lui et ceux qui étaient dans le voyage ont vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam des signes, ce qui a augmenté son oncle en qui lui a fait prendre plus soin de lui et plus conseiller à son égard. Et ce qui a empêché Abu Talib d'accepter la parole de son neveu et de rentrer dans l'islam, malgré qu'il l'aimait énormément, c'est la rasabiyya, le fanatisme, et le fait de suivre les ancêtres, le fait de suivre, de ne pas vouloir se séparer de la religion de son père, car c'était pour les Arabes comme une trahison, le fait de ne pas suivre ce que son père faisait. Donc ça, c'est une chose de la jahiliya qui est toujours présente dans la Umma, chez beaucoup de personnes, et c'est pas permis. Et l'islam s'est venu en contredisant ça. Et que les ancêtres, ils peuvent avoir tort et raison. Ils peuvent avoir tort et raison. Et ce n'est pas tout ce que le père dit à son fils qui est la vérité. Mais ce qui est vrai, on le prend, et ce qui est faux, on ne le prend pas. Tout en gardant un bon comportement envers les parents, comme Allah Azzawajal nous l'a ordonné. Et également que cette asabiyya se retrouve chez qui? Chez les innovateurs et les hizbis. Al-Mubtadi'a wa al-Hizbiyoun, ils ont une asabiyya, un fanatisme, qui les pousse à rejeter la vérité quand elle leur parvient. Donc de la même façon qu'Abu Talib a rejeté cette vérité, de dire la ilaha illallah lorsqu'elle est venue, de celui en qui il a confiance. À cause de quoi, parmi les causes de ça, les julasa sous, c'est-à-dire les mauvais conseillers, ceux qui t'entourent et qui sont mauvais. Comme dans le hadith al-Musayyab, qui avait Abu Lahab et Abdullah ibn Abi Umayya, qui étaient autour de lui et qui le poussaient à ne pas rejeter la religion de son père. Et Abdullah ibn Abi Umayya est rentré dans l'islam, alhamdulillah, par la suite. Donc cette asabiyya, il faut voir le grand danger qu'elle a pour la personne. Et que la finalité, ça peut être la mécréance ou l'iyadu billah. Parce que ce rejet de la vérité basé sur ça, sur le simple suivi des ancêtres ou de telle et telle personne, c'est-à-dire de suivre des personnes parce qu'elles sont telle ou telle personne, comme lui par exemple, de suivre son père parce que c'est son père. Donc le seul argument qu'ils avaient pour à lui donner, c'était que c'est son père. Comment tu vas rejeter la religion de ton père? Il n'y a aucune différence entre ça et le fait de dire comment tu rejettes la parole de tel ou tel savant, parce que c'est tel ou tel savant. Subhanallah. C'est-à-dire, on met la personne devant la vérité. Et on fait d'elle une chose qui s'oppose à la vérité. Et qui en soit une vérité par rapport à sa personnalité. Et ça, c'est pas l'islam. Ça, c'est pas l'islam. L'islam, il appelle au respect et à la vénération de telle ou telle personne par rapport à ce qu'elle possède. Alhamdulillah. Le respect des savants, de la sunna, mais ça ne doit pas aller jusqu'à l'exagération qui est de rejeter la vérité car elle s'oppose à ce que peut dire tel ou tel. Subhanallah. Donc là, vous voyez clairement que cette chose-là a poussé Abu Talib à rejeter la ilaha illallah et l'islam. Et les associateurs, les peuples des prophètes, lorsqu'ils ont rejeté leurs prophètes, c'était exactement ça. C'était exactement ça, leurs arguments, que comment on va te croire alors que nos ancêtres étaient sur autre chose. Donc ils n'ont pas regardé ce avec quoi venaient les prophètes, leurs arguments, et les arguments qui sont auprès de leurs ancêtres, mais le simple fait que ça venait, que telle ou telle chose venait de leurs ancêtres, ça suffisait pour être la vérité qui devait suivre, et que tout ce qui contredisait ça, ça devait être rejeté. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.